Chapitre 2e. Quand, une heure plus tard, M. de Bièvre vint saluer la douairière avant de monter en voiture, Antoinette était là, roulée dans un long manteau gris-perle, tout emmitouflé de voiles de gaze, le visage enfoui au fond d'une grande capeline de dentelle. « Comment ? » s'écria le marquis étonné. « Vous êtes prête ?»« Dame, puisque nous partons à 5h30. »« Justement. Je suis étonné que vous soyez prête à l'heure où nous devons partir. » « Je n'ai jamais vu ça, moi, une femme prête à l'heure. »« Antoinette, dit la douairière, est toujours exacte. »« Alors, comment s'entend-elle avec Guy ?»« Très bien, tout de même. » Et la vieille femme ajouta en souriant. « Elle s'entend toujours avec Guy. »« Allons, adieu mes enfants, il est temps de partir. Vous avez 5 lieues et beaucoup de côtes. Amusez-vous, faites un bon dîner. » Monsieur de Bièvre protesta. « Un bon dîner, chez les Lignées. Oh, madame, c'est une ironie. » Car à moins qu'ils n'aient changé en mon absence. Ils peuvent avoir changé de cuisinière, tout simplement. Et qu'est-ce que ça ferait qu'ils en eussent changé? Comment voulez-vous qu'une cuisinière, n'importe laquelle, fasse la cuisine sans beurre, sans sucre et même sans sel? Car je parierais qu'elle n'a pas de sel à discrétion. Oh, vous ne les aimez pas, ces pauvres Lignées. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Rien. Que m'empoisonner ou me faire crever de faim. Oh, c'est à la lettre. Il y a 3 ans. J'ai passé 8 jours chez eux au moment de l'ouverture. Il y avait Bessèges, Noirval, les Blainville et moi. En comptant les maîtres de la maison, nous étions par conséquent 6. Eh bien, on nous donnait pour déjeuner une omelette et 2 côtelettes de veau en papillote. Et rien avec, rien. C'est court, en effet. Et un matin, au moment de partir pour la chasse, je suis entré dans la cuisine pour allumer ma pipe à un tison. J'ai vu accrocher au mur une ardoise sur laquelle Madame de Ligny avait... de sa très aristocratique écriture, écrit le menu du déjeuner. 6 œufs à la coque, 6 côtelettes. Et au-dessous, et surtout pas de gaspillage. N'est-ce pas que c'est immense? Et comme Antoinette riait de tout son cœur, ça vous fait rire, moi ça m'écœure. La douairière qui riait aussi répéta, ces pauvres Lignées. Oh, je ne les plains pas, certes. S'ils étaient dans une situation modeste, je ne plaisanterais pas à leur avarice, et j'aurai la pitié et le respect de leurs économies forcées. Mais ils sont riches, que c'en est dégoûtant. Et quand ils ont le plaisir de nous avoir chez eux, quand, par notre présence, nous les empêchons momentanément de s'arracher les yeux, leur devoir serait de nous nourrir convenablement, ou au moins suffisamment. Pourquoi y allez-vous? Parce que le père de Ligny était un ami du mien, que je ne peux pas me dispenser de les voir de temps à autre, et qu'ils habitent trop loin des roches pour que je puisse aller chez eux entre le déjeuner et le dîner. « Partons, dit Madame d'Étiolle, nous serons en retard, et si mauvais que soit le dîner, il ne faut pas le faire attendre. » Quand ils furent en voiture, elle demanda, « Est-ce que vous êtes gourmand ?»« Non. »« Ah, fit-elle en examinant Monsieur de Bièvre. « Je me disais aussi. » Il se mit à rire. « Je ne suis pas gourmand, mais j'ai un très bon appétit. » Oui. « Je vois bien que ça vous paraît invraisemblable à cause de ma maigreur. Mais ce que je n'ai pas en large, je l'ai en long, voyez-vous, et ça revient au même. C'est vrai, vous êtes joliment grand. 1m87. Je ne trouve pas de voiture où je puisse entrer avec mon chapeau, ni de lit où je puisse allonger mes jambes. C'est idiot d'être comme ça. C'est laid, incommode et ridicule. Je ne trouve pas, dit Antoinette qui continuait à regarder Monsieur de Bièvre. Vous êtes bien gentil. Merci de vos consolantes paroles. Madame d'Étiolle affirma « Non, vrai, j'ai dit ça parce que je le pense. » Et de fait, elle ne le trouvait ni laid ni ridicule. Son très long corps, étonnamment maigre, paraissait vigoureux et souple. Des yeux bleu pâle éclairaient sa figure osseuse, barrée d'une longue moustache, d'un blond chaud sous laquelle les dents larges étincelaient dans un bon rire. Les mains étaient grandes, mais d'une extrême perfection de forme, les pieds petits. Il reprit, répondant à la phrase d'Antoinette. « Et vous le pensez parce que vous êtes indulgente et bonne, car vous êtes indulgente et bonne, j'ai vu ça tout de suite. »« Bonne, oui, je le crois. Indulgente, ça dépend. »« De quoi ?»« De l'impression produite sur moi. »« De ceux qui me plaisent, je me sens disposé à tout accepter. Des autres, rien. »« Ah, alors puisque vous ne me trouvez ni laid, ni ridicule, je vous plais. »« Beaucoup. Mais d'ailleurs... » « Eussiez-vous été infiniment moins bien que vous n'êtes, vous m'auriez plu tout de même. Guy vous aime tant. »« Et vous l'adorez, Guy. »« Oui. »« Dites-moi, Si vous accordez votre sympathie à tous ceux que Guy honore de la sienne, ça peut vous mener loin, ça. Ah, vous trouvez aussi qu'il a trop d'amis, n'est-ce pas ? Demanda vivement Madame d'Étiol. Je ne trouve rien, je constate un fait. Guy a une nature expansive qui l'entraîne vers de nombreuses relations. Ça n'est pas un mal, au contraire, et puis ce ne sont que des relations de surface. Il n'y a aujourd'hui dans sa vie qu'une seule affection qui compte réellement, vous. Antoinette regarda M. de Bièvre. Vous dites ça pour me faire plaisir ou parce que c'est vrai ? Parce que c'est vrai. Et si vous en doutez, je peux vous faire voir les lettres de Guy. Les lettres d'avant son mariage ? Celles d'après, surtout. Il m'aime bien. Passionnément. Ce qu'il me semble à moi que je suis si peu faite pour lui. Je me trouve si isolée, si dépaysée dans le monde qui lui plaît. Ah, dur à avaler, n'est-ce pas, les aimables réunions du voisinage. Et vous ignorez encore les La Solet. Et les Blainville. Les avez-vous déjà vus, les Blainville ? Non, mais les La Solet et les Blainville, j'aurais pu les connaître à Paris. Ils ne sont pas du cru, ceux-là ? Qu'est-ce que ça fait ? Bessèges non plus n'est pas du cru. Et il n'est pas plus amusant pour ça. Et puis qui sait ? Tous ces gens-là, pris séparément, seraient peut-être très agréables. C'est le groupement qui les rend odieux. Voyez dans les cercles. Il y a des types charmants, des hommes supérieurs. Si on a la chance de passer une heure en tête-à-tête avec un de ceux-là, on est frappé de sa conversation, de son esprit, de sa connaissance des choses. On le retrouve au cercle, on est stupéfait. Des potins et encore des potins. Impossible d'en tirer autre chose. Madame d'Étiol dit en riant, « Eh bien, mais il me semble que nous-mêmes, depuis ce matin, nous n'avons guère fait que des potins. La ladronnerie des lignées, les aventures imaginaires de Madame de La Solet. Quoi donc encore ? Bah, c'est une fois en passant. Je suis absent depuis près de 3 ans. Il fallait bien me renseigner, savoir si tout était resté dans l'ordre. Dites-moi, qui allons-nous trouver là-bas ? Les Noirvel, les Bessèges, mon cousin de Fresnay, les De Praille et leurs filles. Comment ? Elles sont toujours là ? En voilà encore pour qui le mariage de Guy a dû être un rude coup. Ce qui m'étonne, par exemple, c'est que ce mariage était un fait accompli. Les De La Praille avaient continué à venir dans le pays. Mais leur habitation ? Ah oui, louer leur habitation. C'est ma tante de Jonzac qui leur loue ça. Toujours laides, les petites De Praille ? Je ne les trouve pas laides. Décidément, vous êtes indulgente. C'est une qualité rare chez les femmes. Tenez, à mesure que nous approchons de Ligny, je me sens tout content de penser que je vais revoir Guy. Nous avons passé de si bonnes années ensemble, sans nous quitter, ayant les mêmes idées, les mêmes plaisirs, les mêmes goûts. Ah, qu'est-ce que vous faisiez ? Oh, mon Dieu, la noce, simplement. Et comme Antoinette ne répondait rien, il demanda. Votre belle-mère disait tout à l'heure qu'à présent vous n'êtes pas du tout jalouse. Vous ne l'êtes pas non plus rétrospectivement, j'espère. Pas plus rétrospectivement que présentement. À la bonne heure. C'est si bête, une femme jalouse. Elle répondit avec conviction. Oh oui, c'est bête. La voiture tourna dans la cour et s'arrêta devant le perron. Monsieur de Bièvre fit descendre la comtesse et ouvrit la porte du vestibule juste au moment où un domestique, avec un col de travers et une barbe de 2 jours, dégringolait les dernières marches de l'escalier en enfilant son habit de livrée. Lorsqu'on introduisit dans le salon Madame d'Étiol et le marquis, Guy, assis sur un tabouret au pied de Madame de Ligny, jouait avec son éventail. Debout, devant une fenêtre, Madame de Praille flirtait avec Bessèges et le petit de Noirval. Assis en demi-cercle, Monsieur de Ligny, les De Praille, Madame de Noirval et Monsieur de Fresnay causaient de cet air de profond ennui qui inspire aux arrivants une extraordinaire envie de se sauver. À la vue de Jacques, d'Étiol, stupéfait, s'élança. « Comment ? Te voilà, toi ?» Sa figure gaie et franche exprimait une vraie joie. Grand, bien campé, avec de larges épaules, des hanches étroites, le cou fort, le teint coloré, les cheveux blonds et les yeux bruns, le comte d'Étiol était, non pas peut-être un joli garçon, mais un homme très séduisant. Il plaisait, sans pour cela se donner aucune peine, et le plus souvent, sans même se douter qu'il avait plu. Pas modeste, pourtant, cela non, et ne s'étonnant nullement de ses succès, mais insoucieux et indifférent jusqu'à l'impertinence à ceux de ses succès qui lui semblaient de qualité négligeable. Il demanda. Depuis quand es-tu ici ? Depuis hier. J'ai rencontré Ligny à la gare de Froid, et il m'a dit de venir dîner ce soir. Mais ma première visite a été pour Étiole, où j'ai débarqué ce matin et où je ne t'ai pas trouvé, bien entendu. » Il s'approcha de Madame de Ligny, une petite femme trop brune, boudinée dans une robe d'un rouge éclatant, qui tout de suite le fit asseoir près d'elle, et sans lui laisser le temps de saluer personne, commença à le questionner sur ses voyages. « Est-ce beau, la Perse ? Le chat est-il dans son pays ce qu'il a été dans le nôtre, ou mieux ?» Et le marquis, ayant répondu qu'il ne s'était point inquiété du chat et ne l'avait pas vu, elle s'écria « Ah, que c'est drôle ! Moi, si j'allais en Perse, ce ne serait que pour ça. » Monsieur d'Étiole vint à sa femme, qui répondait distraitement aux compliments à bout portant de Bessèges et de Noirval. « Antoinette, je vais vous présenter à une de nos meilleures amies. » Elle le suivit docilement. Elle connaissait la phrase. Elle avait été présentée tant de fois à une de nos meilleures amies. Le comte s'arrêta devant une grande femme mince, blonde, à l'attitude un peu affaissée, qui, de ses longs yeux à demi fermés, mais luisant entre des cils immenses, regardait fixement Madame d'Étiole. « Voulez-vous me permettre de vous présenter ma femme ?» Et se tournant vers Antoinette, « Madame de Breuil. » Elle s'inclina, un peu surprise, car habituellement elle connaissait au moins de nom les meilleurs amis, et tendant sa main que Madame de Breuil prit, après une imperceptible hésitation, elle murmura cette phrase banale, qui lui coûtait toujours à prononcer. « Je suis très heureuse, madame, de vous connaître. » Et poliment, elle s'assit à côté de la jeune femme, demandant « Vous habitez la Lorraine ?»« Non, pas précisément, mais je passe une partie de l'été chez mes cousins de Blainville. » Antoinette, à présent, examinait curieusement Madame de Breuil. Il lui semblait qu'elle était inquiète, contrainte, et que le grand éventail de plumes qu'elle continuait à balancer d'un mouvement machinal et régulier tremblait dans sa main. Une main qu'on devinait allongée et fine sous les plis du gant très large. Un peu mal à l'aise et troublée sans savoir pourquoi, la comtesse ne trouvait plus rien à dire lorsque la jeune femme reprit « Je n'ai pu aller voir Madame d'Étiole. Voudrez-vous m'excuser près d'elle ? Ma cousine a été très souffrante. C'est ce qui nous empêchait de sortir. Elle espérait venir ici ce soir. Elle a dû y renoncer. » « Madame de Blainville est souvent souffrante, je crois. » « Oui, elle est dans un état nerveux qui, quelquefois même, nous inquiète. »« Hein ?» fit distraitement Antoinette, que Madame de Blainville intéressait peu. Elle avait entendu parler d'elle souvent comme d'une femme exceptionnellement méchante, et chez la femme surtout, la méchanceté lui fait horreur. Voyant que M. de Prail, le père de Prail, comme on dit habituellement, s'approchait de Madame de Breuil, elle se leva et alla regarder par la fenêtre les allées sombres du parc qui s'effaçaient noyées dans l'ombre du soir. Tout de suite, elle fut rejointe par Bessèges et Noirval. Au moment du mariage de M. d'Étiole, Bessèges avait déclaré que la femme qu'il épousait était tout ce qu'il y a de plus chic, qu'il la connaissait beaucoup et qu'on n'allait pas s'embêter dans le pays. La vérité, c'est qu'il avait été présenté à Madame de Fresnay au concours hippique, la seule fois qu'elle y fut jamais allée, et que depuis ce jour, il ne l'avait pas revue. Mais cette affirmation peu exacte fit tout de suite des ennemis à Antoinette. Les femmes qui jusque-là trônaient pendant l'été dans le voisinage d'Étiole, qui donnaient le ton et menaient le mouvement mondain, s'étaient senties menacées dans leur règne, d'autant plus qu'elles connaissaient Madame de Fresnay et qu'elles savaient bien que Bessèges n'avait rien exagéré. Et ce qui les irritait plus particulièrement contre elle, c'était l'admiration qu'elle inspirait à Bessèges, Bessèges étant, après le comte d'Étiole, le plus intrépide et le plus élégant flirteur de la Lorraine d'été. Ainsi, non content d'épouser l'un, il fallait encore qu'elle plût à l'autre. Antoinette, quoiqu'elle ne se doutât pas des antipathies que lui attirait l'admiration de Bessèges, avait, dès le début, remisé cette admiration qu'elle trouvait un peu indiscrète et encombrante. Mais comme avec son tact et sa bonne grâce habituelle, elle avait fait sa petite exécution sans que l'amour-propre du flirteur en titre de ces dames eût à en souffrir, il continuait à exploiter la situation qui n'existait pas. Son prestige n'était en rien diminué par cet échec ignoré. Et le petit Noirval, un jeune homme de 28 ans, un peu serein, avec un égoïsme de vieux, qu'il lâchait les jupons de sa mère que pour s'accrocher au pan de l'habit de Bessèges, s'était aussi essayé de flirter avec la comtesse, qui ne s'en était même pas aperçue. Alors le petit Noirval avait déclaré très haut que la réputation de chic de Madame d'Étioles avait été très surfaite et qu'elle ne savait même pas flirter. Quand il disait cela, Bessèges souriait d'un sourire bridé, doucement discret, qui, pour les initiés, signifiait clairement que quand ça lui chantait, la comtesse flirtait tout aussi bien qu'une autre. Pour donner aux apparences encore plus de vérité, Bessèges avait renoncé à tous ses autres flirts, refusant obstinément les avances de Madame de La Soleil et de Madame de Blainville, furieuse de se voir mise de côté. « Vous savez, » dit Bessèges à Antoinette qui ne l'écoutait guère, « je vais être votre voisin à table. »« Oui, Ligny m'a dit de vous offrir mon bras et de m'asseoir à côté de vous. Ça ne vous est pas désagréable ?»« Pas du tout, » répondit-elle simplement. Et de fait, ça lui était bien égal, celui-ci ou celui-là. « Ah non, pourtant. Ce soir, elle eût préféré avoir Jacques de Bièvre pour voisin. » Elle sentait qu'avec lui, elle pourrait parler de ce qui l'intéressait, ou ne pas parler du tout si elle en avait pas envie. Pendant tout le temps du dîner, placée entre Bessèges et M. de Preil, elle sentit poser sur elle les grands yeux de Mme de Breuil, et la pesanteur de ce regard sombre et doux la gêna singulièrement. Quel intérêt pouvait-elle inspirer à cette femme triste? Et comment n'avait-elle jamais entendu parler d'elle puisqu'elle était liée avec son mari et sa belle-mère? D'ailleurs, cette liaison semblait toute naturelle. Les Blainville étaient les voisins les plus rapprochés d'Étioles. 2 kilomètres à peine, les avenues des habitations se rejoignaient. Et elle eut à ce moment comme un vague souvenir d'avoir entrevu une grande silhouette svelte qui rappelait celle de Madame de Breuil, quelques jours plus tôt, au loin sur la route, un soir qu'elle allait à cheval au devant de Guy qui rentrait de Nancy. En sortant de table, d'Étioles demanda à Jacques de Bièvre « Eh bien, comment la trouves-tu? Qui ça ?»« Ma femme, parbleu. » »« Très charmante. » »« Vrai, vrai. » »« Tant mieux. J'aurais été fâché qu'elle ne te plût pas. » À qui ne plairait-elle pas? Elle est ravissante. » Et montrant les 2 jeunes gens empressés autour d'Antoinette, il ajouta « L'irrésistible Bessèges et Noirmal sont de notre avis. » « Oh, je ne suis pas inquiet, va. L'irrésistible Bessèges, comme tu dis, peut bien lui faire tant qu'il voudra la cour, c'est peine perdue. Toi-même, tiens, toi, qui es, paraît-il, irrésistible pour tout de bon, tu serais bredouille aussi. » « Je le sais bien. » « Tu as déjà essayé ?»« Non. »« Mais Madame d'Étioles t'aime furieusement. » »« Elle te l'a dit ?»« D'abord, oui. Mais il n'était pas nécessaire qu'elle me le dise. Ça se voit. »« Mon vieux Jacques, bah, sur heureux, heureux. »« Tâche de mériter ton bonheur. »« Moi ? Mais je suis un mari modèle. »« En es-tu sûr ?»« Absolument sûr. Et Antoinette aussi en est sûre. » »« Car elle est non seulement jolie et bonne, mais encore d'une intelligence supérieure. Elle comprend tout. » Tout quoi? Eh bien, elle comprend même les goûts qui ne sont pas les siens, et très peu de femmes sont comme elle. Est-ce que tu as des goûts qui ne sont pas les siens? Oh, quant à ça, oui. Ainsi, elle ne peut pas souffrir le monde, et moi, je l'aime. Ah, fichtre, oui, tu l'aimes. Tu m'en blâmes? Pas du tout. Je trouve ça un tantinet bébête à ton âge, mais c'est tout. Bébête, pourquoi ça? Parce que... Et ça ne peut pas s'expliquer. Ça se sent ou ça ne se sent pas. Mais Antoinette ne trouve pas sa bébête, elle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle t'aime. Qu'elle t'aime de toutes ses forces. Et que tant qu'elle t'aimera comme ça, tu peux sans danger être bébête. Après, dame. Après, il n'y aura pas d'après. Elle m'aimera toujours comme je l'aimerai toujours aussi. Oh, tu sais, on n'est jamais sûr de ces choses-là. Enfin... Je ne me suis pas marié à l'étourdie, et elle non plus. Nous n'étions pas des enfants. Je vais toujours résister à maman qui voulait me marier, tu le sais bien, toi. Oui. Eh bien alors, si j'épousais ma femme, c'est que tu savais que tu ne l'aurais pas autrement, voilà tout. Dans tous les cas, tu as bien fait, car il n'y a pas à dire, elle est charmante, absolument charmante. Je ne l'avais pas vue aussi bien encore. Monsieur de Bièvre, en parlant, regardait Antoinette qui, debout au milieu du salon, causait avec Monsieur de Ligny. Et elle lui apparaissait toute changée. Ce n'était plus le gamin menu qu'il avait vu le matin trottinant en Amazone une tasse de café dans la main, ni le Greenaway enseveli dans les petits collets hérissés, une capeline invraisemblable et d'innombrables voiles qui étaient venues en voiture avec lui. Mais une femme, une vraie femme, dont la taille souple se dessinait dans une robe blanche à la fois très collante et très drapée, une robe sans ornement, d'une étoffe molle, aux plis très doux, d'un blanc laiteux. Elle s'élançait, droite, élégante comme un grand lys, et si différente d'allure et de silhouette des femmes qui l'entouraient, qu'elle semblait d'une autre espèce qu'elle. « N'est-ce pas qu'elle est jolie ?» demanda Guy, ravi de voir l'impression produite par Antoinette. « Elle est mieux que jolie. » Mais sans la voix, M. de Bièvre questionna. « Et Fleur des Tropiques, qu'est-ce qu'elle dit de ça ?»« Madame Dubreuil ?» balbutia le comte. « Rien, de quoi veux-tu qu'elle dise quelque chose ?»« Mais de ton mariage ?»« Elle a bien un peu le droit de s'en occuper, ce me semble, car tu l'as aimée, ou du moins, tu le lui as dit. »« Elle, elle t'aimait éperdument. Quand elle est devenue veuve, elle a pu croire que tu l'épouserais, et la déception aurait été rude. »« Jamais je n'ai eu la pensée d'épouser Madame Dubreuil. » »« Je ne dis pas que tu en as eu la pensée, mais je suis sûr que elle l'a eu, elle. » Et de là à se persuader que tu l'avais aussi. Pauvre Germaine, elle n'a pas l'air gaie. Je n'ose presque plus l'appeler Fleur des Tropiques. Et je ne me suis pas encore décidé à aller lui parler. En vérité, fit Étiole un peu ennuyé, en vérité tu te figures des choses. Tu tourmenterais les consciences les plus tranquilles, toi. Bon, ça t'embête que je sois venu mettre mes grosses pattes dans le plat et troubler ta belle quiétude. Ah! Que tu es bien toujours le même, va, mon bon Guy, un insouciant, et surtout un inconscient. Qu'appelles-tu inconscient ? Celui qui fait ou est capable de faire beaucoup de mal autour de lui sans s'en douter. Mais je ne... Ne gesticule pas, ta femme nous regarde. Elle se doute que nous ne parlons ni chasse ni politique, et elle voudrait bien savoir de quoi nous parlons. Elle a dû remarquer la persistance avec laquelle Germaine l'a regardée pendant le dîner, et maintenant encore. Oh, crois-tu ? Elle ne savait pas que Madame de Breuil dînait ici ce soir, car en me nommant les invités, on ne m'avait pas parlé d'elle. Mais Antoinette ne savait même pas qu'elle existait. Ah, une gaffe, ça, une gaffe de première grandeur. Que veux-tu ? J'espérais presque que Madame de Breuil ne passerait plus ses étés à la Rosière. Tiens, pourquoi donc ça ? Puisque, selon toi, ton mariage n'a dû ni la surprendre, ni la chagriner. Je veux dire que... Tu as tort de jouer au plus fin avec moi, mon pauvre Guy. Tu oublies que si je n'ai pas été ton confident, j'ai été presque celui de Germaine. C'est à moi qu'elle s'adressait pour avoir de tes nouvelles, quand tu la négligeais trop. C'est moi qu'elle questionnait, quand l'écho d'une aventure plus tapageuse que les autres arrivait jusqu'à elle. Je l'ai souvent vue émue, bouleversée, ne cherchant même pas à me cacher ses tristesses, et sans jamais me dire en me laissant voir le fond de son âme. Une âme qui était bien à toi. Mais je ne pouvais pourtant pas. Eh, je ne te reproche rien. Tout ça ne me regarde pas. Je trouve seulement que tu as eu de la peine, ayant traîné ton cœur dans tous les coins, de rencontrer deux vraies femmes qui t'ont aimé, alors que ceux qui ont à placer un cœur qui n'est jamais sorti de sa carapace ne rencontrent que des poupées et des flirteuses. Dis-moi, et la petite La Soleil, comment elle a pris ton mariage, celle-là ? Non pas qu'elle m'intéresse, non, mais je serais curieux de savoir. Elle a ragé ferme, hein ? Oui, je le crois. Elle n'est revenue que depuis 8 jours, et je ne l'ai rencontrée que 2 fois. Mais elle m'a lancé un tas de petites choses aigres-douces, et encore, elle n'a pas vu Antoinette. Qu'est-ce que ce sera, mon Dieu, quand elle l'aura vue ? C'est demain, probablement, que le choc se produira. Gaston m'a dit qu'ils ont l'intention de venir faire une visite à maman. Et c'est excellente, Madame de Blainville ? C'est elle qui va vous en décocher des aménités ? Oh, mais jamais Madame de Blainville n'a eu d'intention sur toi. Non, je le sais bien, mais elle ne supporte pas le voisinage d'une femme supérieure à elle. Et comme elle est beaucoup trop fine pour ne pas voir que Madame d'Étiole l'écrasera totalement, elle se vengera. Ah, dame, écoute donc, c'est dur. Elle tenait la corde jusqu'à présent et c'était justice, car entre nous soit dit, la petite La Soleil qui est jolie est une vraie dinde. Et Madame de Ligny, qui n'est pas laide, a l'air d'une montreuse de serpents. Regarde-la un peu dans sa robe rouge. Monsieur de Ligny apparut dans le cadre de la porte qui ouvrait sur le jardin et demanda « Vous ne venez pas fumer, d'Étiole ? Et vous, Bièvre ?» Dès qu'ils furent sortis, Madame de Noirval dit « Madame de Ligny, vous devriez demander à Madame d'Étiole de nous chanter quelque chose. Elle a une voix charmante et un talent. » « Certainement. Je ne savais pas que Madame d'Étiole chantait. » Mais je ne chante pas, et je n'ai ni talent, ni voix, ni rien, balbutia Antoinette effarée, en jetant à Madame de Noirval un regard suppliant. Si, si, ne l'écoutez pas. L'autre jour, à Étiole, elle nous a fait passer une soirée charmante. Nous ne sommes partis, mon fils et moi, qu'à 2 heures du matin. » Forcée de céder, Madame Étiole chanta tout ce qu'on voulut. Un peu gênée au commencement par la présence des petites de Prailles, elle se rassura en entendant leur mère affirmer que ses filles pouvaient, sans inconvénient, tout entendre. Jamais Antoinette n'aurait cru ça. Elle se figurait les de Prailles des gens confiés en dévotion, ayant toujours chez eux au moins un jésuite en déplacement. Et tels ils étaient en effet. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que si la présence des jeunes filles entrave quelque chose, on cesse de les inviter. Et elle était convaincue, la pauvre femme, que les jeunes filles ne se marient que si on les traîne chaque soir dans une réunion quelconque. Elle se trompait en ce qui la concernait, car si le moyen peut être excellent quand les filles sont jolies, il est détestable quand elles sont laides, et c'était le cas. Peu à peu, les hommes étaient rentrés pour écouter Antoinette, qui chantait avec une touchante complaisance. Jacques de Bièvre, debout dans un coin, un peu incliné vers Madame de Breuil, causait à voix basse, et s'apercevait que la comtesse, en chantant toujours, les regardait beaucoup. De bonne heure, on partit. Le trajet de Ligny à Étiole fut assez silencieux. Tout à coup, Antoinette demanda « Vous la connaissez depuis très longtemps, Madame de Breuil ?»« Moi ?» murmura Monsieur d'Étiole, surpris et déconcerté. « Mais je... »« Non, pas vous, Monsieur de Bièvre. »« Je la connais depuis mon enfance, » répondit Jacques. « Elle a été élevée à la Rosière qui était alors à son grand-père. » « Ensemble, nous avons volé du raisin dans les vignes, joué à la cachette dans les houblons. »« Ah !» dit Antoinette d'un ton distrait, comme si elle pensait à autre chose. « Ouf !» fit intérieurement le comte rassuré par cette indifférence. « J'ai eu peur. » Jacques, lui, crut cette indifférence affectée et pensa « Patatras, demain, elle va me bombarder de questions. Qu'est-ce que je lui répondrai ?»